de fées en français. Le sauteur. Il était une fois, sur le vaste continent de Rolva, une énorme bataille entre deux royaumes. L'un dirigé par le roi Julian de Mérédon et l'autre par la reine Minerva de Klong. La bataille dura des jours. Voyant son armée échouer, la reine Minerva maudit le royaume de Mérédon. Roi Julian, vous avez utilisé des moyens perfides pour gagner cette bataille, donc je vous maudis. Quand vous rentrerez chez vous, vos sujets se transformeront en animaux. Je vous maudis. En disant ça, la reine Minerva disparut. Le roi Julian ne prêta pas attention à la malédiction et retourna dans son royaume où il reçut un grand accueil de sa fille. Cependant, le lendemain, tout à coup, quand il était dans la salle d'audience, un par un, tous ses ministres ont commencé à se transformer en animaux. Oh non, sa malédiction a vraiment fonctionné. Père, ce ne sont pas seulement nos ministres, mais tout le monde dans le royaume s'est transformé en animal. Appelle les fées. Les fées furent convoquées, mais elles ne purent pas inverser la malédiction. Appelez l'ermite. Et bientôt, l'ermite arriva, mais lui aussi échoua à inverser la malédiction. Mon roi, cette malédiction est irréversible. Seul celui qui a jeté le sort sera en mesure de l'inverser. Désolé. Le roi et la princesse étaient tristes. À ce moment-là, Princesse Aria eut une idée. Ah, père, tu te souviens de Ikashio, ton sage conseiller? Ah, oui, certainement. Ah, il est devenu un chien. Comme j'aurais aimé pouvoir avoir son aide dans ces moments de crise. Tu peux quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? La malédiction a transformé nos sujets en animaux. Mais elle n'a pas enlevé le pouvoir du raisonnement humain et de la parole. Ils peuvent encore parler, au moins certains d'entre eux. Le roi fut ravi d'entendre cela. Incroyable! Comment n'y ai-je pas pensé? Appelle Ikashio immédiatement. Princesse Aria appela Ikashio, qui vint aussitôt. Bienvenue, Ikashio. Comment ça s'est passé? Je me suis transformé en chien. Qu'est-ce que tu crois? C'est ma faute. Peut-être devrions-nous oublier les politesses et aller droit au but. Ça serait merveilleux. Dis-moi, Ikashio, qu'est-ce qui peut nous sortir de cette malédiction? Comme l'a dit l'ermite, la malédiction ne peut être brisée que par celui qui l'a jetée. On dirait qu'il n'y a qu'une solution. J'écoute. Nous devrons faire la paix avec la reine Minerva. Eh bien, je suis prêt. Mais tu la connais. Elle n'acceptera jamais l'offre de paix. Alors, donne-lui ce qu'elle veut. Mais à ce moment, le roi Julian devint calme et triste. Qu'est-ce qu'elle veut, père? Ma princesse, elle veut l'épée magique. L'épée magique? C'est notre épée ancestrale, transmise dans notre famille depuis des générations. Ces énergies rendent notre armée imperméable à la faim, aux pluies, à la chaleur et même aux tempêtes. Nous donnons l'avantage sur l'armée adverse. Ton grand-père me l'a donnée et j'espérais qu'un jour, je la transmettrais à ton mari. Oui, ce qui ne me semble plus possible. Envoyez les fées à Klong pour inviter la reine Minerva à notre festival annuel de sauteurs. Dites-lui qu'à la fin de l'événement, je lui présenterai l'épée magique. Les fées présentèrent l'offre du roi à la reine Minerva et elle sourit. Le jour est enfin arrivé. J'accepte l'invitation. Dites au roi Julian que je serai là pour assister à l'événement et prendre l'épée magique. Bientôt, ce fut le jour du festival annuel des sauteurs. Tout le monde était excité. Le roi et la princesse annoncèrent le début des festivités et la reine Minerva était présente également. Parmi les participants, la grenouille, le lapin et la sauterelle furent considérés comme les meilleurs sauteurs qui avaient jamais vécu à Mérédon. Nous sommes sur le point de commencer, Votre Majesté. Très bien. Bonjour à vous tous. Bienvenue au festival annuel des sauteurs. Que les jeux commencent. Yeah! Ouais, wouhou! Ouais. Tout d'abord, je vous présente la grenouille. Salutations, votre majesté. Princesse Aria, reine Minerva de Klong, et salutations, habitants de Mérodon. Je suis la grenouille des vallées du Nord, et c'est un grand honneur de faire partie du festival des sauteurs. Le roi fut très impressionné par les bonnes manières de la grenouille. Elle est vraiment bien élevée. Je me demande à quoi elle ressemblait en tant qu'homme. Peut-être que si tout va bien et la malédiction est enlevée, nous pourrons lui demander de vous épouser. Ah, c'est reparti. La grenouille monta sur la scène et se mit en place. La foule attendait calmement. Elle prit une profonde respiration et juste au moment où elle était sur le point de sauter, une mouche vint voler près d'elle. Elle fut distraite et commença à lui courir après. Ouais, bouh! Ah! J'aurais dû laisser mon petit y participer. Il aurait fait un bien meilleur travail. Eh bien, c'était décevant. Mais ne vous inquiétez pas parce que je vous présente maintenant le lapin. Yeah! Yeah! Yeah! Salut, votre majesté. Je suis le lapin, des collines à l'ouest de la rivière Selina. Le lapin aussi était posé et bien élevé, ce qui plaisait au roi. Je ne suis pas intéressé. Le lapin s'élança fortement, sauta et atterrit juste au pied du roi. Le roi fut impressionné. Incroyable lapin. Bien joué. La reine Minerva fut également amusée par le saut du lapin. Elle sourit et frappa dans ses mains. Et enfin, je vous présente la sauterelle. Ouais! Yeah! Ouais! Yeah! La sauterelle se tut, ne dit pas un mot et ne salua pas le roi. De l'odeur que je capte de lui, je sais qu'elle est d'une bonne famille et un être très audacieux. Ah, très bien alors. Je n'en dirai pas plus. Que le procès commence. La sauterelle se mise en position. Et immédiatement, au moment où elle allait sauter, ses sens remarquèrent quelque chose venant de derrière, déchirant l'air. Elle comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une flèche qui se dirigeait vers la reine Minerva. Elle sauta aussitôt et d'un coup de pied puissant, changea la trajectoire de la flèche. La flèche manqua la reine et se planta dans l'écorce d'un arbre. La reine Minerva fut choquée, tout comme le roi Julian. À cet instant, un aigle portant un arc et des flèches apparut et commença à crier après la sauterelle. « Pourquoi avez-vous sauvé la méchante reine qui a ruiné nos vies ? Elle est l'invitée royale et sous la protection de notre roi pendant qu'elle est ici. Votre geste déshonore la réputation de notre roi. » En entendant cela, la reine Minerva fut très touchée. « Merci, sauterelle. Et vous, reine Minerva, je suis vraiment, vraiment confus. » Pardonnez l'aigle, car sa colère a pris le dessus. Je me fiche de l'aigle. Sa flèche ne peut pas me faire de mal, même si elle m'avait touchée. Vous le savez, nous avons mené des batailles les uns contre les autres. Mais je dois le dire, je suis très impressionnée par la sauterelle. En disant cela, la reine Minerva pointa du doigt la sauterelle et bientôt qui se transforma en un beau soldat. Mais c'est Ragnar, le puissant soldat! Princesse Aria sourit en voyant Ragnar. Elle l'avait toujours aimé, même à son insu. Ragnar, merci de ne pas vous soucier de la compétition et de mettre votre vie en danger afin de me protéger et de protéger la réputation de votre roi. Demande-moi n'importe quoi. Merci, reine de Klong. Je souhaite que tous les êtres de Mérodon soient libérés de leur sort et retournent à leur forme humaine. La reine fut surprise par le souhait de Ragnar. Tu es sûre de ce que tu veux? Je peux te donner toutes les richesses du monde. Je vous assure que je ne me soucie pas de ces choses. La reine Minerva fut très impressionnée, car elle n'avait jamais vu un soldat aussi fort et loyal envers son roi et son peuple. Elle se tourna vers le roi Julian. Finissons cette rivalité. Tout d'abord, je voudrais proposer d'adopter Ragnar comme mon fils et héritier de mon trône. Tout le monde fut choqué, y compris Ragnar. Ragnar, Tu es d'accord? Je n'ai jamais connu l'amour d'une mère. Ma mère est morte quand je suis né. Si votre majesté me le permet, alors oui, je suis d'accord. Je proclame Ragnar comme le vrai fils et l'héritier légitime de la reine Minerva. Ouais! Yeah! Ouais! Ouais! Le roi Julian leva la main et la foule se tut. Et quelle est votre deuxième proposition? Eh bien, je propose que mon fils et que votre fille se marient. Eh bien, je ne sais pas si ma fille... Père, je suis d'accord. Ragnar sourit, car il aimait aussi la princesse. Waouh! Je ne savais pas que ce serait si facile. Très bien, Minerva. Tu as compris? Y a-t-il d'autres propositions? La reine Minerva sourit. Ce sera tout ce que je demande. En disant cela, elle leva ses mains en l'air et bientôt des étincelles magiques touchèrent toutes les créatures une par une et retrouvèrent leur forme humaine. Waouh! Oui! Oui! Ah! Je suis de retour! Yeah! Mérédon a éclaté de joie. Ragnar et la princesse Arya se sont mariés rapidement. Et ce jour-là, Icachio annonça au cours de la fête le gagnant du festival annuel des sauteurs. D'un soldat à une sauterelle et d'une sauterelle à l'héritier de Klong, Ragnar a fait les meilleurs sauts et c'est donc lui que je déclare comme le grand gagnant. Et ainsi, la rivalité entre les deux royaumes prit fin pour toujours. Et tout le monde vécut heureux et pour toujours.